Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde, naturopathe. Retrouvez-moi tous les vendredis à 8h et à 13h30. Aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur l'aromathérapie, une branche de la phytothérapie qui consiste à utiliser des huiles essentielles comme moyen thérapeutique. Les huiles essentielles sont des mélanges de substances aromatiques produites par de nombreuses plantes et présentes sous forme de gouttelettes, dans les fleurs, les résines, les branches, les bois et les peaux de fruits. Les huiles essentielles issues de différentes plantes possèdent donc des propriétés différentes, dépendantes de la composition d'origine. Chaque huile essentielle possède une propriété particulière qui permet de soigner de nombreux maux du quotidien, à la fois physiques et psychiques. Pour obtenir une huile essentielle, il faut une grande quantité de végétaux. C'est d'ailleurs un point qui m'a rendue réticente sur l'aspect écologique et le respect de la nature. C'est pourquoi il est important de bien sélectionner la provenance et la façon dont elles sont fabriquées, idéalement avec un code éthique digne de ce nom. Quelques points importants. Tout d'abord, la certification botanique. L'appellation de la plante doit préciser le genre, l'espèce et la sous-espèce. L'origine géographique, le nom du pays ou d'une région, apporte des précisions sur les facteurs environnementaux de la plante aromatique. Ensuite, le mode de récolte ou de culture. Cette donnée vous dira si la plante est sauvage ou cultivée et issue d'une culture biologique ou non. Le stade de développement botanique. Les caractéristiques de la composition biochimique de l'huile essentielle dépendent parfois du stade de développement végétal. Moment de la cueillette, avant, pendant ou après la floraison. Et ensuite, l'organe distillé. La composition biochimique des huiles essentielles varie en fonction de la partie ou de l'organe de la plante distillée. Par exemple, l'écorce de cannelle ne contient pas la même essence que les feuilles du même arbre. Et pour finir, le mode d'extraction. Expression à froid, hydrodistillation et distillation par entraînement à la vapeur d'eau influencent aussi la composition de l'huile essentielle. Les huiles essentielles peuvent être utilisées en diffusion, en massage, en faisant attention à ce qu'elle soit diluée dans une huile végétale, ou en interne, mais sur conseil d'un thérapeute uniquement. Ces essences nous aident à traverser certaines épreuves, douleurs, chocs émotionnels, moments intenses, mais aident aussi à gérer le quotidien, le stress, le manque de sommeil ou les déprimes passagères. L'utilisation d'huile essentielle est l'une des techniques naturelles à laquelle a recours la naturopathie pour conserver la santé. Mais qui dit naturel ne dit pas sans danger. Pour cela, une amie aromathérapeute, Barbara Deloffre, propose des ateliers pour apprendre à utiliser correctement les différentes huiles essentielles. Elle a créé des ateliers relax. Le but de ces ateliers est avant tout de faire découvrir une façon plus naturelle de prendre soin de son corps et de son âme. Lors de l'atelier relax, ce sont les huiles de lavande fine, de petit brin bigarade et de camomille romaine qui sont à l'honneur. Barbara propose une démonstration de fabrication de baumes simples et rapides. Vous aurez même la joie de repartir avec des fiches explicatives, la recette de démonstration et les flacons des trois huiles essentielles utilisées. Le prochain atelier aura lieu le samedi 26 janvier à 14h à Bouligné, en Haute-Saône. Cet atelier portera sur la détente. Barbara nous présentera des huiles spécifiques à cet effet et vous apprendra à vous en servir au mieux. Le tout autour d'un café, d'une tisane, afin de passer un moment agréable. La durée d'un atelier varie de 1h30 à 2h30 et le prix de la participation est de 40€ par personne. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pourrez directement contacter Barbara au 06 85 75 60 81 ou sur ma page Facebook Les Secrets de Mathilde. Je serai présente et je serai ravie de vous y rencontrer lors de cet atelier. Je vous souhaite une très belle journée et à vendredi prochain sur Radio Gémozo.